Section 56 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Lecture, tome 7e. Section 56. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 9. Chez le bon roi Roumanica. Encore Mirambeau. À Oujiji. En exploration. La légende du lac Tanganyika. C'était donc vers le Nil Alexandra, autrement dit le Kagera, que Stanley dirigeait alors ses pas. Il voulait en faire l'étude approfondie, se rendre compte d'où venaient les eaux de cette rivière, et s'assurer qu'elle avait pour émissaire le lac Victoria Nyanza, dont il la croyait le principal affluent. Il fut puissamment secondé dans ses recherches par le souverain du pays, le roi Roumanica, qui convoqua à son intention de véritables assises géographiques. Rien de curieux comme l'énoncé des avis parfois baroques, souvent fantaisistes, presque toujours contradictoires, des indigènes sur les questions scientifiques. Néanmoins, il en sort d'ordinaire, pour l'explorateur, un renseignement quelconque, un jet de lumière, une trace, un indice dont il s'est tiré profit et qui souvent le mène au but. Du reste, à l'inverse de ce qui se rencontre généralement chez les nègres, lesquels ne comprennent pas qu'une recherche scientifique puisse seule guider un voyageur et le payer de ses peines et de ses dépenses, Roumanica témoignait le plus vif intérêt aux travaux de Stanley. Celui-ci parlait-il, le roi se penchait vers lui avec une attention avide. Et à chaque question, s'il s'agissait d'éclaircir un doute, une hypothèse, vite, le souverain envoyait quérir l'individu le mieux informé et l'interrogeait lui-même sur les points en litige. Il déclarait que pour lui, c'était une fortune inespérée d'avoir un homme blanc dans ses états, et il fit mener son hôte aux lacs, aux rivières, aux montagnes, aux sources d'eau chaude, à tout ce qui pouvait intéresser l'explorateur. Roumanica est certainement un nègre idéal, et le séjour d'un mois que Stanley fit à sa cour fut fécond en documents utiles et sérieux pour la solution du grand problème des sources du Nil. Dès ce moment, l'itinéraire de Stanley allait changer. Depuis plus d'un an, il s'était consacré à la recherche des sources les plus méridionales du Nil. Il avait fait la circumnavigation du Victoria Nyanza, et seul avec Speke, il pouvait affirmer que cette immense nappe d'eau n'était qu'un seul lac, tandis que Livingstone, Burton et d'autres avaient écrit qu'il y en avait là 5. Il avait fait à pied des centaines de milles sur la côte nord du Victoria, exploré les pays limitrophes du Mutanzige et découvert le bras de ce dernier lac qu'il baptisa Golfe Béatrice. Dans l'impossibilité de poursuivre ses recherches en cet endroit, il avait gagné le Nil Alexandra, avait relevé la moitié de son cours et, empêché par les indigènes de se porter plus avant, il se résignait à dire adieu aux contrées qui alimentent le Nil et à se tourner vers le Tanganyika. Ce changement d'itinéraire devait lui faire découvrir le Congo. Il était depuis une dizaine de jours en marche vers le Tanganyika quand il apprit l'approche de Mirambo, dont, on se souvient, il avait fait la connaissance d'une façon peu réjouissante à l'époque de son premier voyage. Avec le concours de ses rougarougas, le farouche monarque organisait aux alentours de nouvelles razzias d'ivoire et d'esclaves. Il fit demander à Stanley si l'homme blanc était encore son ennemi, ou bien s'il voulait lui envoyer quelques paroles de paix. « Dites à Mirambeau, répondit Stanley, que j'ai grand désir de le voir, et qu'étant devenu l'ami de M'Tesa, de Roumanica et de tous les rois que j'ai trouvés sur ma route, je me réjouirai d'avoir aussi Mirambeau pour ami. » Le lendemain, le terrible chef nègre se présentait avec une escorte de rougarougas, et Stanley déclare que cette visite a renversé toutes les idées qu'il avait antérieurement conçues de ce roi qualifié par lui-même de bandit. L'explorateur se demanda si c'était bien Mirambeau qu'on lui montrait là, sous les traits d'un homme sans prétention, dit-il, à l'air inoffensif et aux manières paisibles. Toute la vie, tous les actes de Mirambeau concordent en effet bien peu avec ce tableau. Stanley fit avec lui l'échange du sang. Les deux nouveaux amis s'assirent vis-à-vis l'un de l'autre sur une natte. Le chef de l'escorte leur fit à tous deux une incision à la jambe droite, prit à chacun quelques gouttes de sang qu'il transféra de la jambe de l'un à celle de l'autre, puis d'une voix forte, Désormais, cria-t-il, si l'un de vous manquait à la fraternité qui vous unit, qu'il soit dévoré par le lion, empoisonné par le serpent, que sa nourriture soit amère, que ses amis l'abandonnent, que son fusil lui éclate dans la main et le blesse, que tout ce qui est mauvais le poursuive jusqu'à sa mort. Cette cérémonie fut suivie d'un échange mutuel de cadeaux, et les deux frères se séparèrent dans les meilleurs termes. Stanley ne revit plus Mirambeau depuis cette époque, mais quelques années plus tard, fidèle à ses habitudes de piraterie, le roi bandit de l'Unyamwezi attaqua nos caravanes et massacra Carter et Cadenhead dans le pays de Pimboué. Stanley se dirigea donc en ligne droite vers le lac Tanganyika, et il arriva le 27 mai à Ujiji, là où 4 ans auparavant il avait retrouvé Livingstone. Quel superbe panorama! Le ciel est du bleu le plus pur, et le lac endormi reflète fidèlement sa teinte exquise. Pas un souffle d'air ne rit de la surface de l'eau. À droite et à gauche, des bosquets de palmiers et des figuiers toujours verts. Devant soi, une bordure de grands roseaux, dominée par les toits plats d'Ougoï et les huttes coniques de Kaouélé. Des bœufs à longues cornes s'abreuvent au bord de l'eau. Des ânes galopent çà et là, en braillant avec force. Des chèvres, des moutons et des chiens vaguent sur la place du marché, bordées par les tembés des Arabes, demeures solides, spacieuses, construites en pisé, avec de larges et fraîches vérandas. Des palmiers, des papayers, des grenadiers, des plantains, bananiers des sages, élèvent au-dessus des terrasses de ces habitations leurs gracieux rameaux et leurs frondaisons, dont la verdure tranche harmonieusement sur le brun grisâtre des murailles et des palissades. Le marché d'Ujiji mérite une mention spéciale. C'est un des plus importants de la région. Il est quotidien, et tous les pays d'alentour y apportent leur contingent de produits. L'un y expédie du sorgho, du sésame, des haricots, des volailles, des chèvres, des moutons à grosse queue, du beurre et des œufs. L'autre des bananes vertes et mûres, des fruits d'élaïs, de l'huile de palme. D'ailleurs, il arrive du fil de fer, des anneaux, des bracelets en fer. Puis encore du manioc séché, du poisson sec, des poissons blancs très petits qui abondent dans le lac, du sel, du lait de beurre, des arachides, des patates, des tomates, des ignames, des herbes potagères, des melons, des concombres, des cannes à sucre. Quant au naturel de l'Ujiji, ils vendent surtout des esclaves, du poisson frais, de l'ivoire, des paniers tressés, des filets de pêche, des lances, des arcs et des flèches. Comme monnaie courante, ils ont adopté une perle cylindrique d'un demi-pouce de longueur, perle de porcelaine blanche et noire, qui ressemble à un fragment de tuyau de pipe. Le plus riche propriétaire d'Ujiji est un arabe, nommé Mouinikeri, et sa fortune se compose comme suit. Environ 120 esclaves des deux sexes, 80 fusils, 2800 livres d'ivoire, 2 maisons, un champ de blé, une rivière, 9 canots avec leurs rames et leurs voiles, 40 têtes de gros bétail, 20 chèvres, 30 balles d'étoffe, 20 sacs de perles, 350 livres de laiton, 200 livres de fil de fer, le tout valant là-bas à peu près 90 000 francs. L'avoir des autres arabes d'Ujiji, et ils sont nombreux, varie de 500 francs à 15 000 francs. Ils détiennent la richesse et le pouvoir effectif du pays. Quant au naturel, ils sont bateliers habiles, adroits pêcheurs, et mènent une existence des plus actives. Véritables amphibies, il faut les voir quand le vent frais du matin ou l'espérance d'un heureux coup de filet les anime. Rasées longues comme des oiseaux d'eau qui folâtrent, manœuvrer debout leur étroite pirogue, juste assez large pour les contenir, darder leur esquive dans toutes les directions, avancer, reculer, pirouetter, chavirer, disparaître, et se retrouver en équilibre dans leur canot, avant qu'on ait eu le temps de s'effrayer de tant d'audace. Fin de la section 56.